juste pour l'anecdote, quand nous avons lancé l'appel à communication, un certain nombre de collègues masculins, de sexe masculin, nous ont écrit pour savoir si ce colloque était aussi ouvert aux hommes. C'est pour vous dire, par rapport à ce que disait Catherine, du cloisonnement et de tous les cloisonnements, c'est-à-dire entre les sexes, mais aussi entre les continents, entre les sociétés. Je pense que tu as soulevé un certain nombre de débats dont je vois que ça fait réagir dans la salle, et je pense que pendant ces 3 jours, on aura l'occasion d'y revenir. Et donc, voilà, c'est pour dire que le champ est bien installé, mais que les débats sont encore, je pense, tout à fait d'actualité sur un certain nombre de points. Et donc, du coup, ça me fait la transition pour inviter à la tribune les membres du Conseil scientifique et Stéphane Micher pour la table ronde d'inauguration scientifique du colloque. Voilà, bonjour, je suis Stéphane Micher de l'Université de Californie aux États-Unis et je suis très heureux d'être ici. Un grand merci à Christelle Darrow, Anne Hugon et Pascal Barthélemy. Et si vous permettez, je continue en anglais. So it's a great pleasure to be here. I did my few lines in French, and I hope the translation is working. You see in front of you some members of the scientific committee. Others, unfortunately, could not be here, but they are here in spirit. And we were asked to kind of reflect a little bit on the larger themes of this conference. And I thought it might be a good way to get our discussion started, because it's the idea, it's not just that we up here do the talking, but that it should be a communication involving you as well, that I gave all the participants at this panel 3 questions. But before I tell you these questions, I just briefly want to say who is here, and the people up here, they will speak in alphabetical order. So it's kind of an easy way to organize. We have Barbara Cooper from Rutgers University. We have Odile Gerg from Université Paris 7, she's at the other end. We have Claire Midcliffe from Sheffield Hallam University in the UK next to me. And we have Rebecca Rogers from the Université Paris Descartes, and she is right there. And we have Elizabeth Schmidt from the Loyola University in Maryland. She's over here. And last but not least, we have Fatou So from the Université Cheikh Anta Diop in Dakar, and also from CNRS. So the 3 questions I gave the participants, the first one is kind of in lieu also to introduce themselves. I've asked them what they considered their own most significant contribution in their work to the scholarship of women and gender in colonial context. So that's question one. And the second question I asked them to think about is, what do they consider the most exciting developments in recent scholarship on women and gender within colonial context? So these are the first 2 questions. The third question is optional if they wanted to go there, because there appears to be that, at least in Francophone environments, that research which privileges questions about women and gender has remained, at least that's what some of the organizers thought here, quite marginalized, with little impact on mainstream scholarship of colonial history. So I was curious to ask my fellow panelists whether this assessment corresponds with their own experience in their own field, and whether they could think of some strategies how perhaps our colleagues work in a Francophone environment could overcome this sense of marginalization. So these are the 3 questions. Of course, we all should have much more time, but we'll do what we have. So please, I would like to ask Barbara Cooper to get us started. Comme ça, hein? Oui. Bon, c'est un peu injuste. je savais pas que j'allais le premier. Mais je m'excuse. Ça va, non. Et merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde qui a préparé tout ça, surtout Pascal et Anne et Christelle qui vraiment ont fait beaucoup, beaucoup de travail formidable et pendant 2 ans. Et c'est vraiment une chose qui nous sert, nous tous. Et nous tous, un très grand service. Alors, moi, je vais commencer avec la 3e question, parce que bon, les 2 premiers, je ne sais pas quoi dire. Je viens de faire 2 semaines à Niamey, Et ce qui me semble très, très frappant, c'est que aux États-Unis, je ne me sens pas du tout cloisonnée. Je suis dans un département plutôt très fort en genre histoire de femme. Et on pourrait même dire que, nous dominons un peu notre département. Donc, je ne peux pas du tout me plaindre de ce côté-là. Par contre, quand je voyage à Niamey, il me semble que les femmes qui travaillent dans les universités et des centres de recherche en Afrique de l'Ouest, et surtout dans les zones plutôt francophones, elles se sentent très marginalisées. C'est vraiment dommage. Et ce qui se passe parfois, c'est qu'on s'échappe. Bon, on trouve un autre endroit, surtout aux États-Unis ou bien ici en France, ce qui fait qu'il y a toujours la perte, bien sûr, des femmes qui pourraient changer un peu la culture dans les centres de recherche en Afrique, ce qui est vraiment dommage. Et il y a aussi une certaine... Je dirais que, bien que je connais pas mal de femmes qui font des recherches qui touchent sur le genre en Afrique, ce n'est pas surtout dans le domaine de l'histoire. Je dirais qu'il y a pas mal de femmes qui travaillent en tant que spécialistes de santé, de loi, de développement. Mais ce n'est pas vraiment dans le... Ce n'est pas leur... formation, je dirais, l'histoire. Ce qui est aussi dommage, ce qui fait que, par exemple, on parle des questions juridiques sans vraiment comprendre le passé des lois qui touchent sur la vie des hommes et des femmes dans ces domaines. Et c'est un moment où il faut pouvoir vraiment débattre avec un engagement vraiment très sérieux autour des questions comme ça, des questions juridiques. Et je fais ça comme exemple parce qu'il y a, par exemple, des gens plutôt de côté islamiste qui ont des conceptions de la tradition islamique qui manquent vraiment de fondations historiques. Ce qui fait que les débats sont figés un peu. Il y a toujours des contestations entre des féministes et les islamistes. Et on a l'impression que ça n'avance pas. Et moi, je trouve que s'il y avait vraiment plus de compréhension du côté plutôt historique, ça pourrait vraiment aider les gens, puisqu'on pourrait comprendre que ce n'est pas figé, le droit. Ça peut changer, et si ça peut changer dans le passé, ça peut changer aujourd'hui. Alors, je vais m'arrêter là pour ne pas faire monopoliser trop les choses. Mais pour moi, c'est ça la question vraiment importante, c'est de soutenir les femmes en Afrique qui font des recherches dans tous les domaines pluridisciplinaires, mais qu'il y ait dans ces discussions plus d'une compréhension de cette histoire plus longue. Parce que, bon, pour moi, je trouve que c'est une espèce de ressource dans les débats. Alors, je m'arrête là. Voilà. Merci. Please, Odile. Alors, moi, je vais être bêtement disciplinée, c'est-à-dire que j'avais prévu de répondre dans l'ordre aux questions, mais j'aimerais quand même réagir à ce que vient de dire Barbara Cooper, en soulignant le fait que ces temps-ci, j'ai dirigé plusieurs étudiantes africaines, notamment du Gabon, et là, ça a été à l'origine d'un homme, Pierre Ndombi, qui a poussé à des recherches dans cette direction. Et avec elle, je dirais que les étudiantes qui viennent donc du Gabon ou du Mali, du Burkina Faso, pour les étudiantes que j'encadre, ont un souci d'impact immédiat de leur recherche. C'est-à-dire qu'on voit que l'idée, c'est les préoccupations contemporaines et essayer d'y remédier, d'y participer, et en particulier en ce qui concerne les codes de la famille, qui, on doit le dire actuellement, sont en régression par rapport au code des années 60. Alors, je rentre du Mali, par exemple. Le code de Modibo Keïta 1962 vient d'être modifié actuellement. C'est encore en cours un peu de discussion. Et supprime le mariage civil, par exemple. Bon, il y a beaucoup d'autres dispositions. Au Gabon, un député avait avancé la proposition d'une polygamie à 12. ce qui a été refusé, mais disons, ça montre quand même les débats contemporains. Et je rejoindrai tout à fait Barbara sur l'idée que dans la majorité des pays, donc je connais certainement effectivement plus francophones pour des raisons qu'on suppose assez rapidement, travailler sur les femmes est considéré comme mineur, marginalisé, ou alors tout de suite comme militant. Voilà, donc je voulais juste faire cette transition. Et puis, je vais là quand même essayer de répondre à la question de Stéphane Michère. Alors, il est évident qu'il n'est pas question d'aborder cette question de contribution aux recherches sous un angle d'auto-félicitation. Je pense que ce n'est pas, c'est pas le sens de ta question. D'autant que je suis venue, je dirais, relativement tardivement à l'histoire des femmes et au genre. Alors tardivement, pour moi, ça fait déjà une vingtaine d'années quand même, mais bon, relativement tardivement, dans le contexte que Catherine Kokrividrovitch, que je salue à nouveau, a encadré, c'est-à-dire un souci plutôt d'abord d'histoire de l'Afrique et en intégrant d'autres thématiques. Ceci dit, j'y suis venue quand même assez vite, en travaillant sur les municipalités et sur la question du droit de vote et du politique, question qui avait été très peu étudiée à l'époque, et en travaillant sur la municipalité de Freetown, qui a une histoire tout à fait particulière, puisqu'elle est fondée en 1895, avec uniquement des électeurs et des élus africains, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le contexte de l'Afrique. Je suis tombée dans la presse sierra-léonaise, qui est aussi une presse totalement locale, sur un débat. Est-ce que les femmes doivent ou non avoir le droit de vote dans la municipalité de Freetown, sachant qu'en Grande-Bretagne, elles l'ont à l'époque si elles sont chefs de ménage. Et ce type de débat n'est pas du tout relayé par les documents officiels. Il y a des pages et des pages sur comment on doit fonctionner cette municipalité, mais absolument pas sur ce débat. Donc c'est un élément qui est très important et qui m'avait poussée à élargir un peu ce questionnement dans un article sur femmes africaines et politiques, paru il y a plus d'une dizaine d'années, pour constater qu'effectivement, nous disposions de très très peu d'éléments précis. Dès qu'on cherchait précisément quel était le statut, comment se met en place le droit de vote des femes, il y avait très peu d'informations. Je dirais que là, maintenant, on est dans un renouveau complet auquel participent notamment Pascal Barthélémy, mais bien d'autres, puisqu'il y a un intérêt, notamment autour des années 50, des mouvements de l'indépendance, sur la participation, enfin l'action des femmes, mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire, et je dirais notamment une réflexion sur les formes du politique. Formes du politique qui ne soient pas des formes partisanes, enfin essayer de re-réfléchir à ça, qui ne soient ni les formes partisanes, ni les reines du passé. Hein, quelque chose qui réfléchirait plus. Alors, l'autre élément où il me semble, enfin j'ai essayé de faire avancer les choses, c'est ma réflexion sur le sexe ratio en ville. Je suis une historienne des villes essentiellement. Bon, j'ai un peu quitté les villes spécifiquement maintenant, mais je suis quand même une historienne des villes. Et je dirais là que cette réflexion sur le sexe ratio en ville, donc le rapport entre les hommes et les femmes, et surtout les processus migratoires, les processus d'intégration en ville, a découlé notamment d'une réaction par rapport à ce que je trouvais dans beaucoup de manuels, et notamment des manuels anglophones. Donc une tendance à généraliser, partant d'études venant plutôt de l'Afrique australe et d'expériences très spécifiques, en voyant les femmes arriver en ville à la traîne des hommes. Donc si vous voulez, vous aviez à la fois des éléments démographiques qui étaient généralisés, le quantitatif, plus d'hommes dans les premières, dans les villes, dans leur phase de croissance que de femmes. Et vous aviez ceci sous-tendu par un argument idéologique, c'est-à-dire les femmes venant à la traîne, elles sont dépendantes, etc. Et donc ceci m'a poussée à avoir une réflexion sur des modèles diversifiés. Et effectivement, si on se penche sur la diversité même des villes en Afrique, et notamment la profondeur historique des villes, on aboutit à une diversité beaucoup plus grande. Dans la foulée, pour terminer, j'ai travaillé, il me semble qu'il faut, là encore, il y a encore beaucoup de choses à faire, sur les opportunités de travail en ville, sous l'angle du genre, c'est toujours l'ambiguïté, donc genre, histoire des femmes, donc plutôt les opportunités de travail données dans ce nouveau contexte urbain, de la croissance urbaine du XXe siècle. Merci. So our third speaker is Claire. Claire. Okay, I'm going to briefly address each of the three questions in turn. First of all, just very briefly about my own research. My earlier research explored the impact that empire had on the imperial metropole of Britain. And as such, I think it has a slightly different focus, perhaps, from the main focus of this conference on the empire colonial context. But I think it also has a lot of relevance to the study of colonial contexts. In a sense, I would see it as part of post-colonial scholarship, which emphasizes the mutual constitution of metropole and colony, rather than seeing them as two separate analytical fields. And it's contributed to what has become known in Britain as the new imperial history. Currently, I've sort of moved away from that perspective a little, and I'm looking at the links between 19th century Indian, British, and American religious liberals and social reformers, with particular reference to the woman question. I'm hoping that this research will give fresh insights into the complex relationships between gender, religion, and colonialism. And I'm also hoping that it will help open up analytical spaces for exploring cultural interchanges and intersecting histories, which were marked both by the context of unequal power relationships and by mutually enriching exchanges of ideas. And that really leads me into the second question about the developments in writing scholarship. I personally have been inspired by the turn, the so-called transnational or global turn in historical scholarship that's happened over the past 5 to 10 years. And I think this offers exciting new perspectives from which to approach the histories of imperialism and colonialism, and specifically questions of gender and colonialism. Feminist scholars are making some of the most exciting contributions to creating these new connected global histories in which gender analysis is integral and central. The histories which explore interconnections not only between metropole and colony, but also between different colonies, between different empires, and extending outside the boundaries of empires. Just to give two examples to recommend to you if you're not already familiar with the work, Muralina Sinha's book, Spectres of Mother India, subtitled The Global Restructuring of an Empire. And then secondly, an edited collection by Antoinette Burton and Tony Ballantyne, Bodies in Contact, Rethinking Colonial Encounters in World History. And that leads me on to the third area, the question of marginalisation. History in the British Academy has been a pretty conservative discipline, particularly at the most prestigious institutions. It's been much more resistant to incorporating gender analysis and women's experiences than, say, sociology or literary studies. Imperial history has been a particularly traditionalist subfield of history, holding on to a top-down approach focused on imperial policy, colonial administration, while other aspects of British history opened up to history from below, from the 1960s onwards. And indeed, resistance to post-colonial theory continues among many historians of the British Empire. It's seen as an alien import from cultural studies to be resisted at all costs. Despite this, I like to think, and perhaps I'm an optimist, the old top-down masculinist British imperial history is, I think, finally itself becoming marginalized as feminist scholarship places itself at the cutting edge of new directions in the study of empire. These, I just sort of think these are coming from three different directions and might perhaps offer some suggestions for Francophone contexts, possibly not, but as the three suggestions I suggest is, like, rather than directly tackling the issue of gender and saying we want to have gender within the mainstream of imperial history, I think it has come to become central, by reconnecting a specialist subfield, imperial history, to the mainstream history of the United Kingdom, the British Isles. Secondly, by the immense amount of scholarship which has been created, which represents the imperial past from the perspectives of the formerly colonized and formerly colonized nations. And thirdly, by the repositioning of the history of the British Empire in terms of the new global and transnational frameworks for historical scholarship that are being developed. Okay, thank you. Thank you. Everybody's doing great with time. Isn't it? So next we have Rebecca Rogers, please. Moi aussi, j'étais bête et disciplinée, comme Odile, mais j'ai inversé les questions, parce que je pense qu'il est difficile, dans le contexte d'un colloque comme celui-ci, de répondre d'emblée sur l'importance de sa propre contribution au champ, d'autant plus que mon premier livre sur le sujet n'est pas encore paru. Hein. Donc vous me reconnaissez pas, sans doute la plupart d'entre vous, comme une spécialiste du champ. Donc je vais commencer par ce qui me semble les développements les plus excitants de mon point de vue, évidemment, américaine, mais maintenant basée depuis très longtemps en France, travaillant maintenant sur l'Algérie et donc sur une colonie de peuplement. Je pense que ça change ma perspective aussi. Et intéressée depuis toujours par les questions d'éducation. Donc moi, je vais insister surtout sur le développement d'approches plus sociales de la présence féminine dans les colonies et les effets de cette prise en compte des Européennes pour des analyses en termes de genre du processus de colonisation. Ces approches qui s'appuient sur le dépouillement d'archives et qui restituent, il me semble, une épaisseur sociale et culturelle voire politique à l'expérience coloniale, ne sont pas vraiment nouvelles, je pense, mais l'accumulation récente de travaux de ce genre me semble offrir de nouvelles pistes pour comprendre la colonisation de manière beaucoup plus complexe. Ça permet de faire ressortir les jeux de pouvoir, les complicités, éventuellement les mondes de contact et les formes de domination ou de violence entre hommes et femmes européens, mais aussi entre européens et autochtones, hommes et femmes. Je pense plus concrètement aux travaux sur les activités des religieuses en terrain colonial, comme elles sont souvent à l'interface des populations, sur ceux qui montrent l'incroyable brassage de populations dans le Maghreb et l'importance des mobilités, hein. Ou ceux qui nous font découvrir la diversité des Européennes qui partent vers les colonies et qui y travaillent, qui ne sont pas là simplement pour être les femmes d'eux. Donc grâce à une multitude de travaux minutieux dans les archives coloniales, il est dorénavant clair que la présence féminine dans les colonies et la participation des femmes à l'action colonisatrice ne peut se réduire au stéréotype de la femme du fonctionnaire vivant bien à l'écart des indigènes dans un quartier européanisé. Et pour une analyse plus détaillée, je vous renvoie vers l'article historiographique de Christelle Tarot dans le numéro 33 de Clio, qui inventorie pour le Maghreb toute la diversité des travaux réalisés et en cours et qui analyse les conséquences de cette présence européenne féminine dans les colonies. Par rapport à un moment dans l'historiographie où l'étude des discours dominait, il me semble que l'accumulation de travaux empiriques ouvre la possibilité d'analyses croisées beaucoup plus nuancées, où le discours orientaliste se frotte aux pratiques du tourisme culturel ou sexuel, où le discours viril de l'aventure coloniale est resitué au sein de réseaux d'amitié et de coopération, où le discours sur l'invisibilité des femmes sera confronté aux femmes qui travaillent, qui enseignent, qui produisent des objets à consommer et qui circulent. Et dans cette attention à la présence féminine dans les colonies, que vous allez avoir l'occasion d'écouter dans des séances de ce colloque, j'apprécie alors particulièrement la manière dont l'histoire missionnaire croise maintenant beaucoup plus étroitement l'histoire coloniale, même si c'est loin d'être le cas dans l'historiographie de langue française, et je pensais que Claire allait nous en parler davantage. Associé à ces études de facture par certains côtés classiques, dans le raccord à l'histoire sociale et l'exploitation d'archives à la recherche des femmes, je suis séduite aussi par les approches biographiques qui montrent les possibilités d'éclairer autrement l'histoire coloniale quand une femme est au cœur du récit historique. Et le retour du récit me semble aussi un phénomène à saluer, et là je glisse rapidement vers ma propre contribution. Le premier article sur les colonies que j'ai intitulé « Telling Stories About the Colonies » vous révèle mon intérêt pour le récit. Et donc je vais vous dire quelques mots sur ce que je pense ajouter à cette historiographie. Je viens de terminer un ouvrage sur Eugénie Luce, une institutrice française qui a ouvert la première école pour jeunes filles musulmanes à Alger en 1845. Et si je devais justifier l'importance de la biographie que je lui consacre, j'insisterais sur la manière dont une histoire individuelle, son histoire permet de montrer comment une femme a influencé la politique scolaire et donc la vision de la mission civilisatrice des Français en Algérie à un moment donné. D'autre part, le destin de son établissement, qui est fermé puis transformé en atelier de broderie, met à jour les rapports de genre et leur rôle non négligeable dans l'évolution de cette mission. L'autre contribution de mon livre me semble être l'interrogation que je poursuis sur l'utilisation des archives et des sources. Mon dernier chapitre s'appelle « The Remains of the Day », où j'analyse ce qui reste de l'histoire de cette femme, aussi bien dans les récits d'historiens que dans le paysage algérois, que dans les musées en France, en Algérie, en Grande-Bretagne, ou dans les archives. Cette réflexion s'appuie sur une autre contribution au champ de l'histoire des femmes et gens en situation coloniale, qui me paraît vraiment intéressante depuis une dizaine d'années. Toute cette réflexion menée sur la construction, l'organisation et l'utilisation de l'archive. La question de l'archive a toujours intéressé les historiennes des femmes, mais l'archive impériale, décrite en particulier par Antoinette Burton, me paraît particulièrement intéressante à questionner pour comprendre comment l'archive façonne nos regards, résiste ou infléchisse nos questionnements. Alors, enfin, quelques mots sur l'impact des travaux sur l'histoire des femmes dans l'histoire coloniale francophone. Alors, c'est peut-être un effet de mon positionnement et des séminaires auxquels j'assiste depuis 2-3 ans, mais j'ai envie d'être optimiste et de dire que j'ai le sentiment que vraiment c'est en train de bouger, et en partie certainement à cause de la forte présence de chercheurs anglophones dans ce champ et votre présence parmi nous aujourd'hui. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer non plus les effets à long terme de travail de personnes comme les membres du comité scientifique et Catherine Kokrividrovitch en particulier, dont les travaux ont beaucoup influencé des générations de chercheurs. Alors évidemment, l'analyse proposé dans l'éditorial de colonisation que vous trouverez à l'entrée, nous montre que les revues généralistes rendent très lentement compte de la recherche en train de se faire. Alors, quelles sont les stratégies à adopter pour que cette recherche ne se concentre pas aux pages de Clio ou de la revue belge Sextant, spécialisée aussi dans l'histoire des femmes? Ce colloque, je pense, est évidemment une bonne réponse à cela, et notamment les aspects collatéraux, en quelque sorte, le numéro histoire, qui là touche massivement les enseignants du secondaire. L'envoi d'articles dans des revues généralistes me paraît aussi indispensable. On est peut-être trop en train de discuter les uns avec les autres. Mais je continue à penser que c'est surtout dans l'enseignement, et notamment en montrant aux futurs historiens à quel point une histoire sans les femmes est pauvre, une histoire sans la catégorie analytique du genre rate l'occasion de mettre à jour la multiplicité des enjeux de pouvoir en situation coloniale. Bref, je pense qu'il faut vraiment investir les salles de classe et faire confiance aux générations futures, qu'elles et ils, qui sont sensibilisés tout au long de leur formation à ces questions et qui comprendront, il faut leur faire confiance, à l'importance de convaincre tout le monde qu'une histoire coloniale sans les femmes n'est pas possible. Merci. Merci. Allez, c'est bon. Okay, thank you. Thank you very much, everyone. Merci. I would like to begin and may conclude with the first question, although it again makes me a bit uncomfortable, yes, to talk about my significant contribution or the significance of my contribution, whereas I feel, in fact, that my work built, as does everyone's, on the work of the scholars who preceded me, and there was absolutely no way I could have come up with all of the questions myself. If indeed I found something new, it was because I asked questions that came to me based on the work that I'd already read. I've done work in two parts of Africa. My doctoral research was in Zimbabwe. So my work there was on the impact of colonial policies on women during the early part of the colonial period. And secondly, I've done some work on women in Guinea. So from Anglophone Southern Africa to Francophone West Africa, it was a big jump for me. But I guess I'll begin with my work on Zimbabwe. I arrived in Zimbabwe in the mid-1980s and felt that my questions about women were not particularly new. I'd come at least a decade after some of the most important work had already begun to appear about women in Africa. And so it was quite a shock to me when I went to the history department at the University of Zimbabwe to find that there were no women in the department, no women teaching there at least. And when I suggested my topic to the men in the department, they laughed. They just laughed. And they said there would be nothing in the archives. I would find nothing. Well, of course, I did prove them wrong about that. And, of course, one always does oral interviews as well, which were crucial. But my topic grew quite a bit from the beginning, where I had hoped to look at the impact of colonial land and labor policies on women, and wound up writing about that, but about a number of other things as well that came to me in my archival research. But I guess the main thing that was driven home to me, again, it wasn't particularly new, was just the differential impact of colonialism on women and men, that it affected them very, very differently. And the question that I first began to look at was, in the 1970s, a lot of the literature that came out of the British schools talked about the transformation of the peasants into proletarians, and that, you know, as land was alienated from Africans. And I said, wait a minute, that can't possibly be the case in colonial Zimbabwe, since women were the primary agricultural producers, and they certainly did not become the workers in the factories. So there's some disjuncture between the agricultural producers and those who became the urban wage workers. So that was what I began to look at, and then began to realize again how critically different colonialism impacted women and men, how women, especially in the areas around the cities, the mines, the mission stations, were critical in keeping their families together and allowing men not to migrate into the urban areas to work for wages. As the women increased agricultural production, adopted new crops, new technologies, that allowed the households to remain intact, at least in those areas near the markets, for a couple decades, until political mechanisms undermined the African agricultural production in favor of European commercial farmers. I also found that women adopted fascinating strategies, capitalist labor relations, where they hired men from remote parts of the colony or even from other colonies to come in and work on their farms for pay, doing what was essentially women's work, so that the women could spend their labor in more lucrative ways, brewing beer and selling beer in the mining compounds and in the cities. So I found all kinds of fascinating strategies that had been overlooked, by the man who said there was nothing there in the archives. But I also found quite a bit of information about the ways in which women were controlled Male elders in collaboration with the colonial authorities. And I think that was a little bit controversial because it was not simply the colonial authorities I was finding who were trying to keep women in the rural areas producing agricultural products to subsidize the male wages, but rather it was male elders, male chiefs, husbands, et cetera, who were determined to keep women there, both to retain access to the land, but also because of their concern about women's independence, whether it be physical, marital, sexual, or economic independence in the urban areas. And finally, I did look at the role of European women missionaries in domesticating women and trying to create middle-class women who stayed at home and took care of the house and did not engage in economic production outside the household. Then I made this big jump to Guinea, where, again, I thought that I was going to look at one question and wound up looking at quite different questions. But I was interested in the role of market women in the nationalist movement. And I wound up finding nothing in the archives, actually, about that. But I found some wonderful, wonderful interviews. It was extremely exciting to talk to some of the women who had been involved in grassroots mobilization. But my project then became more of an integration of women's involvement in the nationalist movement to a more general grassroots history of the nationalist movement, where I looked at returned war veterans, peasants, male workers, and market women in mobilizing against French colonialism, and how they, in fact, spoke to the party elites, how women were engaged in mobilizing non-literate populations through song, how women stretched and sometimes violated gender norms in so doing by traveling in mixed groups, traveling without escorts, how they bridged ethnic divides, et cetera, and worked across ethnic lines that had not been transcended previously in the same way. So what I did in my second project was what I would love to keep doing, which is to integrate women and gender into the larger histories rather than to write a book such as I did on Zimbabwe about women. I think I'll stop there because I know we're running late, so instead of dealing with the next two questions... No. You don't have to, but if you would like to add something. Okay. Well, let me add something then about some of the work that's been exciting me. I don't know how many of you are familiar with Meredith Toretta's work on women and nationalism in Cameroon, but she's written some very, very interesting articles and is about to publish her book. And one of the things I found very interesting was that the women's movement in Cameroon, there was a separate political party that was related to the Union des Populations du Cameroun, but it was not subordinate to it. And I found that to be fascinating because in most of the other nationalist movements I've looked at, there were women's auxiliaries where women may have had many of their own initiatives, they may have and did influence the more general party programs, they were still subordinate to the dominant party, which was led by men. And there were a lot of constraints imposed on them. Whereas in Cameroon, the women did have their own party linked to the UPC, but with their own, they controlled their own funds, they controlled their own strategy, and it made a huge difference in the kinds of issues that they raised and the kinds of activities they engaged in. And she also talked about their involvement not only locally and territorially, but internationally, which was something that I did not do in my work on Guinea. But the union were, in Cameroon, the women were going to the United Nations with petitions that had been collected from all over Cameroon, signed by women about Cameroon's independence. Of course, it was a UN trust territory, which made it somewhat different. But women's involvement in doing this was really quite significant. She also looks at the way in which women smuggled The petitions and weapons across the border into British Cameroon. And so the sort of constraints of territory or colonies that were all, you know, that were colonized by the same imperial power were not there. There was a constant transfer across British and French boundaries and then on to the international sphere, which I found quite fascinating. In the United States, I feel that there are a lot of scholars, especially younger scholars, 30-somethings, who are doing work on women and gender in Francophone Africa. And in fact, as I was sort of going through my mind to think of the works that I've seen lately, I realized that a number of them are people who got their doctorates at Stanford. And there's a whole cluster of younger scholars working on lots of different countries, Gabon, Cameroon, Guinea, Mali, from Stanford, but also elsewhere. And so I'm very optimistic that you know, as some of the older people like me in the academy move out, that there are going to be more and more people taking new approaches and doing new field research. Thank you. Thank you. Thank you. Please. Merci. L'inconvénient d'avoir un nom qui commence par S, c'est qu'on est toujours non seulement en fond de liste, mais quand on a des ordres alphabétiques, on arrive après tout le monde, quand tout a été dit. Donc je prends la liberté d'essayer de dire peu de choses qui n'ont pas été dites ici. Mais j'avais déjà pris des libertés en recevant les questions de Stéphane. J'avais décidé que je répondais qu'à la question 1 et 3. Et ces deux questions, je les interprétais. Je suis retraitée de l'université. Donc, même si je continue un travail que j'espère avoir au moins une qualité académique, j'ai pris énormément de liberté sur plein de choses que je fais. Et j'ai pris la liberté sur ces questions auxquelles je ne vais pas répondre. Mais ce que m'inspire, ce que m'inspire ces questions. Alors, tout d'abord, la première sur les femmes et le genre en contexte colonial. Bon, je dois dire d'abord que je ne suis pas historienne, donc je prends encore plus de liberté. Je suis sociologue, mais je vais dire que je suis africaine. Je suis née à l'époque coloniale. J'ai été au lycée colonial. Alors, je n'ai pas été une citoyenne de la métropole, mais j'ai été une citoyenne des quatre communes. Ce qui donnait un statut relativement spécial par rapport au sujet de l'Empire français. Et de temps en temps, mon ami et collègue de l'Université de Dakar, Mamadou Diouf, nous aimons, moi comme d'origine saint-louisienne et lui comme refesquois, parler des autres qui ont été des sujets, mais pas des citoyens, nous mettant quelque part plus haut. Donc ça veut dire que le contexte colonial, pour moi, je l'ai assez longuement fréquenté pour y avoir forgé une expérience vécue et réfléchie en contexte. Et en fait, ce n'est pas un contexte, c'est une histoire. C'est mon histoire et elle est inséparable de ce que je suis aujourd'hui. Alors bien sûr, mes travaux, dont je ne vais pas parler, mais dire simplement qu'on est bien sûr obligé de prendre ce contexte colonial parce qu'il est à la source de la majorité de nos institutions. Post-indépendante. D'abord, la langue officielle. Moi, j'écris en français parce que je viens d'une colonie française. Le système éducatif. J'ai été à l'école de Jules Ferry, comme beaucoup d'entre vous. Ma constitution, elle a été très largement concoctée en 1960 par tous les assistants techniques français de l'époque. Et même si elle a beaucoup, beaucoup changé, elle a ses repères et ses assises dans un code français. Donc toutes les législations, le droit du travail, le code pénal ou le code civil, tout cela relève d'une structuration d'origine coloniale. Ça fait que quand dans mes travaux, par exemple, sur les femmes, j'avance la question des droits des femmes et des réformes juridiques, parce que nous avons eu besoin de réformes juridiques, il est évident que c'est dans ce cadre que j'opère. Quand nous avons voulu faire des réformes juridiques à l'origine du code de la famille sénégalais, que Senghor a élaboré et promulgué en 1972, il est évident que dans ce texte, il y avait un fond de code Napoléon, de code Napoléon, mais avec énormément de greffes de ce qu'on appelle la charia, mais qui sont en fait les lois musulmanes, que les Sénégalais avaient utilisées contre les Français, leur disant « Le code civil de Napoléon, nous, ça ne nous intéresse pas, nous avons la charia ». Donc on a toujours eu ce débat et ce démarquage, et aujourd'hui, on n'arrive pas à... On a énormément de difficultés, parce que quand on veut réformer le code de la famille, nous nous sentons toujours dire « Ah, vous faites référence à des traditions judéo-chrétiennes, alors que maintenant, ce sont les lois musulmanes, c'est le Coran qui... » Donc on est toujours confronté à notre colonialité et quand même les besoins de changement que nous avons, que voulons faire. Et je devrais dire quand même, bon, j'ai fait une carrière, il est marqué sur mon badge, là, CNRS France. Alors, j'ai rajouté quand même Université Charenta Diop de Dakar, Sénégal, qui est aussi l'autre partie de mon identité. Mais parce que dans le contexte post-colonial de l'époque, l'Université de Dakar a été créée en 1940, enfin, disons, l'École supérieure de Dakar a été créée en 1943. Et elle est devenue Université de Dakar en 1958. Donc, à l'époque, juste au moment où on était en train de changer de statut politique, donc pré-indépendance. Mais les Français ont géré l'université jusqu'en 1972. Donc, c'est la France qui recrutait les professeurs, les assistants, les gens étaient sur la liste française. Donc, entrer au CNRS n'était pas une aventure banale. J'avoue que j'en ai bavé avant d'entrer au CNRS. Mais ça faisait partie d'un cursus. Parce que la France gérant le CNRS et gérant l'Université de Dakar, ça allait. Donc ça aussi, c'est parti de mon histoire coloniale. Bon, j'ai été très heureuse, hein, parce que ça m'a permis de faire une carrière que j'ai beaucoup aimée. Bon, j'ai peut-être été payée un peu mieux que mes collègues sénégalais de l'Université de Dakar, mais ça fait partie. Donc l'histoire coloniale, elle est là. Je l'ai vécue, je l'ai... Alors, je ne veux ni la rejeter, ni la renier, ni la douber. Comme à un moment, on nous a demandé de parler des bienfaits de la colonisation, mais c'est mon histoire. Et elle est bien sûr inscrite, dans ce que je fais, mais dans ce que tous les Africains de ma génération ont pu faire, parce que c'était leur cadre. Alors, la dernière question sur l'environnement francophone. Et est-ce que nous avons été marginalisés ou pas? Bon, d'abord, je voudrais dire, la francophonie, c'est quand même un concept, alors je ne vais pas dire colonial, hein, parce que les historiens vont hurler, là, parce que c'est après 1960, mais il est quand même très néocolonial. Alors j'aimerais qu'il devienne postcolonial, mais il devient de plus en plus. Donc la référence à la francophonie, c'est déjà problématique d'un certain contexte. Mais maintenant, si j'en viens à l'histoire du genre, ou même aux questions du genre, en France et dans la zone d'influence francophone, qui est une bonne partie des universités, que ce soit une bonne partie d'universités de l'Afrique de l'Ouest, mais également de l'Afrique centrale. Bon, on a vraiment eu du temps à s'occuper du genre. Et moi, je dirais simplement, on a mis du temps à devenir féministe. Bon Dieu, ça a pris tellement de temps de devenir féministe. Et moi, j'avoue que j'ai utilisé le label féministe que j'ai porté sur mon front, sur ma poitrine, et de temps en temps sur mon front, parce que j'étais un peu plus petite que plein d'autres gens, donc sur mon front. Parce qu'au moins, ça permettait aux gens de vous écouter. À mes collègues en Afrique de m'écouter. Hommes et femmes, d'ailleurs, mais hommes surtout. Donc ça, c'est... Mais ce n'était pas tellement évident dans les universités françaises dans les couloirs desquels je me suis promenée. Parce que moi, j'avoue que ma rencontre avec le féminisme et le genre, ce n'est pas en France que je l'ai eue. Encore moins dans mes universités africaines francophones, mais c'est vraiment aux États-Unis que je l'ai eu. En 1986-87, j'ai été invitée dans un Women's Studies Center par des Américaines que j'avais rencontrées à Dakar. Alors, mes collègues à l'Université de Dakar, quand arrivaient des groupes d'enseignants américains, alors, ils voulaient entendre plein de choses, puis ils disaient, on veut bien avoir quelque chose sur les femmes. Allez, cherchez Fatou Sow. On n'était pas très nombreuses. Hein. C'était Upendambo ou Fatou Sow. On nous demandait de venir parler des femmes. Et apparemment, j'en parlais pas si mal que ça, parce que j'ai eu une collègue américaine m'a dit, mais ce serait bien que tu viennes aux États-Unis enseigner. Bon, j'ai eu la peur de ma vie, parce que je ne parlais pas l'anglais, je parlais mal, j'avais fait des études, mais je n'étais pas anglophone du tout. Donc mes premiers cours, je les ai vraiment écrits, et progressivement, j'ai appris un peu d'anglais, en tout cas assez pour pouvoir... Donc ma rencontre, elle a été là. Avant de, en France, de retrouver d'autres gens. Et ça, j'avoue que je vais remercier, mais là, Pascal a déjà fait. Mais toi, c'était mis, hein, c'est écrit, là. Vous avez écrit que vraiment, l'histoire du genre, on doit à Catherine Kokivinovich d'avoir été une pionnière. Et moi, sur le campus de l'Université de Dakar, je parlais des filles de Catherine. Alors, Pascal, je parle pas parce que toi, tu es là, hein, et plein d'autres. Donc, j'ai vu arriver dans mon bureau équipe travailler sur les femmes. Je trouvais ça rafraîchissant, ça me permettait d'exhiber à mes collègues historiens sénégalais qui adoraient Christine, hein, qu'ils ont appelé Mama Africa. Ils parlent, mais les Africains ne parlent que leur mère, hein, ils ne parlent pas des autres. Donc Mama Africa, ils avaient fait... mais je dis, regardez les chercheuses, Catherine Cochry, voilà, elle parle des femmes, c'est de l'histoire, c'est du genre. Donc c'était déjà assez difficile. J'avoue que quand on m'a demandé... un jour, on m'a offert, Dominique Foujola m'a offert l'encyclopédie poétique et historique des femmes. Elle me l'a offert, bon, moi j'ai beaucoup apprécié. Et puis, quelqu'un d'autre m'a envoyé en me demandant de faire un compte rendu. Ma bonne excuse, c'est de dire, non, mais c'est une histoire des femmes, c'est international, mais c'est pas si international que ça. C'est seulement l'Europe et l'Amérique. L'Afrique n'y est pas. Alors, j'ai pu me retrouver dans les femmes et l'islam en Occident, en me disant, bon, il y a des choses de l'islam en Occident qu'on peut répertorier ici. Donc, une bonne excuse de ne pas avoir résumé un livre. Alors, j'ai recompté un avant de venir. C'est 885 pages d'un excellent texte, difficile à résumer en une page. Mais c'est pour montrer que quand même, même si aujourd'hui Christelle dit que ça fait 20 ans, c'est vrai, ça fait 20 ans. Mais moi, dans mon époque... C'était vraiment très nouveau, très nouveau et très neuf. Et d'avoir tenu à l'Université de Dakar le deuxième colloque féministe sur la recherche féministe francophone en 1998 a permis d'entériner l'idée que bon, le féminisme est toujours subversif, mais le genre, ça peut exister, que des femmes très bien, tout à fait notables peuvent s'occuper de ça, mais ça ne m'a pas permis d'ouvrir un programme d'études sur les femmes. Ça est arrivé 7-8 ans après. Mais une fois qu'on a bien désensibilisé le terme de genre, que d'ailleurs les États, d'abord les Nations Unies, puis les États africains et la société civile africaine, est très prête à s'occuper de genre, mais beaucoup plus difficile. Alors quand on ronronne sur le genre, alors quand je vois les gens ronronnent autour de moi et puis dorment un peu, je peux dire, mais la critique féministe, tout d'un coup, la salle se réveille et on peut vraiment rediscuter. Ça va être mon dernier point, mais je vais prendre peut-être deux ou trois minutes de plus, hein, parce que les autres n'ont pas prise. Okay. C'est d'abord, c'est comment donner... Alors, on a dit une perspective de genre, et moi-même, je l'ai fait, hein, parce que avec deux collègues nigérianes, elles étaient anglophones, hein, c'est pour ça que ça a été possible d'écrire ce livre, « Engendrer les sciences sociales en Afrique », qui est une très mauvaise traduction de « Engendering African Social Sciences ». On a mis sexe, genre, société, mais c'est tellement mou qu'on a quand même rajouté engendrer. Alors mes collègues me disaient, mais c'est pas du français ça, engendrer les sciences sociales, c'est pas du français, mais c'était pas grave. C'est d'abord que les hommes, on a beau dire à une collègue historienne, Catherine, hein, tu n'as pas fait du bon boulot à ce niveau-là, il reste un peu obtus, corné sur oui, d'accord, on veut bien m'entendre parler, mais c'est encore relativement difficile d'avoir des étudiants à l'Université de Dakar qui fassent des sujets genrés. C'est très facile d'envoyer à Odile des étudiantes africaines du Gabon, de Guinée, mais pour des collègues à l'Université de Dakar, les hommes, où ils sont en écrasante majorité, faire ce travail relève vraiment de... Bon, c'est extrêmement difficile, disons. Mais c'est en même temps difficile pour les femmes elles-mêmes d'accepter. Alors, Catherine raconte le débat que j'ai eu avec Gabriel Houvre sur les priorités. Mais dis à Gabriel que j'ai fait des progrès. En ce moment, je travaille sur la sexualité au Sénégal. Et on se rend compte que parmi les thèmes les plus importants, on a choisi l'homosexualité féminine, ce qui va faire hurler quand il va sortir, sur la prostitution, sans condamner, et toutes les pratiques dites bizarres. Et sur les catégories de genre, alors il y a le masculin, le féminin, mais il y a tous les trans, toutes les choses qui sont même, je ne devrais pas dire entre les deux, mais qui existent différemment. Dieu, qu'on a fait des progrès, hein, tu vois, on y arrive. Mais en même temps, c'était extrêmement difficile parce qu'on est dans un contexte, notamment dans les universités anglophones, dans les universités francophones, d'abord d'adapter un certain langage, le genre. Bon, les copines ont créé les rapports sociaux de sexe, c'était la plus facile. Les Québécoises ont fait un travail extraordinaire. Alors, bravo les Québécoises si elles sont dans la salle, parce qu'elles nous ont permis de nous approprier et d'avoir moins de gens en disant vous répétez des contextes, des concepts que vous ne maîtrisez pas. C'est vrai que traduire empowerment par renforcement des capacités ou par capacitation, vraiment, c'est extrêmement difficile. J'avoue que j'ai été une fois invitée aux États-Unis, à l'Université de North Carolina, à Chapel Hill, à faire un petit texte. Et moi, j'étais très fière. Alors, je l'avais à le faire en anglais. J'étais très fière, je finis. J'étais très fière de dire « Isn't my body mine ?» Parce que ça voulait dire que je voulais le contrôle de mon corps, de ma sexualité, de ma fécondité, des choses simples. Hein, mais c'était vraiment un bon titre. Traduit en français, « Mon corps m'appartient », c'était pas évident. Mais traduire en Wolof, mom sabop, ça, ça veut dire je suis une pute. C'est ça que ça veut dire. Quand quelqu'un vous dit mom sabop, ça veut dire ton corps t'appartient, donc tu n'obéis à que, donc tu es une pute. Faire la transition, c'était extrêmement difficile. Donc on a un problème déjà entre africaines à décoloniser la recherche, à voir si les catégories féministes s'appliquent aux réalités africaines. Même si nous vivons tout en 2012, hein, avec un contexte international qui est le nôtre. Mais nous avons... alors, est-ce qu'on va, comme Eyronke dit, que le féminisme est un concept occidental, Western feminism, est-ce que ça nous posait problème? Est-ce que l'invention de la femme africaine, c'est fait par les Américaines et pas par les Africaines elles-mêmes? C'est déjà problématique. Mais surtout, on avait un problème énorme auquel on ne s'est pas encore attaché. C'est comment traduire en Wolof, en Mandingue, en Hausa, en Pula, tous les contextes qu'on utilise, alors empowerment, mais même le genre, comment traduire tous les autres concepts féministes qui sont dans le langage, qui paraissent tout à fait étrangers, qui paraissent hostiles, qui paraissent... c'est à la limite dénaturer la culture africaine que de vouloir la rendre féministe ou d'avoir une critique féministe à cette approche. Et là, vraiment, on n'a pas terminé. Bon, moi, j'ai pratiquement terminé, puisque ma carrière est terminée, mais je pense que toutes les jeunes générations vont avoir à le faire. Et j'aimerais, alors, et mon dernier souhait, j'aimerais que ces recherches féministes, alors je dis vraiment féministes, hein, parce que genre, hein, mon président parle de genre, alors je ne veux plus en parler, mais j'aimerais bien que dans les universités africaines francophones, on fasse une vraie recherche féministe, avec une vraie critique féministe, avec vraiment des travaux dirigés par des collègues femmes, bon, on n'est pas très nombreuses, mais on y arrive, hein, et par toutes les personnes là, que Catherine diplôme, mais que les hommes qui ont une position majoritaire écrasante dans les universités francophones africaines puissent permettre à ce champ non seulement d'exister, parce qu'il est là en pointillé, mais de s'étendre et de faire que ce ne soit pas tout à fait exceptionnel d'avoir des petites réunions sur le féminisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Well, Fatou said that she's going to be last, but actually the organizer said, well, Stefan, you should say something too. So please bear with me, and I try to do this very quickly. So I was trained in the U.S., in my background in African history, in the 1990s. And by the 1990s, of course, gender already had arrived. It wasn't just women, but it was gender. And there was all this exciting scholarship being done, but mainly focusing on women, while men kind of were the backdrop. And I thought that these were interesting questions, but it would be interesting also to look at men as gendered beings, as gendered subjects. And so I started to focus on masculinity. I did an edited collection with Lisa Lindsay about men and masculinities in Africa. And we kind of thought there would be three important questions scholars of masculinity should ask. And one would be, what were the various discourses at the time about masculinity, but also how were the practices of masculinity, and finally, what were the various masculine identities? And we kind of encouraged our colleagues to think about these three sets of issues. In my own work, I kind of tried to deploy that, and I did a study on, I've mainly worked on Ghana, about a history of masculinity in Ghana, and I've done that by foregrounding the life histories of a group of individual men. So in the end, I think my contribution was not so much raising questions about masculinity, but also historicizing subjectivity, and especially male subjectivity. Now, what do I think are kind of what I'm interested in recent work, and I'm especially interested that recently scholars have started to historicize questions of intimacy, questions of emotion, and I'm thinking of the recent collection by Jennifer Cole and Lynn Thomas about love in Africa, but I'm also interested by thinking about historicizing intimacies, same-gender intimacies, so intimacies among men. One of the members of the scientific committee who is not here is Mark Epprecht, and I think his work about thinking about the plurality of sexualities or different forms of same-sex practices on the African continent, and to look at this historically is really, really important. Important also in order to understand as currently there's kind of gay and lesbian rights kind of have become part of human rights, part of the human rights discourse, and we can only understand some of the reactions about that in African context if we understand the history of intimacies, same-sex intimacies on the African continent. Now, my last point about marginalization, I share here what Barbara got us started in my own context in the U.S., at the University in California. Gender scholars, they are now dominant. I mean, we are certainly no longer marginalized. I've noticed, of course, in collaboration with my African colleagues, there the situation is quite different, but still I would like to point out that at the most recent meeting of the Council for the Development of Social Science Research in Africa, so this important African organization of African academic CODESRIA, of course, mainly social scientists, but still the current president and the current vice president, who were just elected in Rabat last month, are both women. So there seems to be a change happening. So with these few words, I think I would like to open up to the audience, and we have a few minutes left, and I would like to ask you whether you would like to comment on any of the issues were raised. Probably the most fruitful question about to discuss with the whole plenum is the question about the marginalization of questions of gender in colonial context or in colonial history, especially those of you who are writing in French. So if you would like to speak, please do so. J'avais l'impression, c'est juste une impression comme ça, ces dernières années, que du fait que l'histoire du genre et les questions du genre soient devenues plutôt mainstream d'une certaine manière dans certaines universités, est-ce qu'on n'arriverait pas à nouveau à une sorte de marginalisation de fait? Parce que, bon, on a traité la question du genre, c'est bon, quoi, on passe à autre chose. Ok, so the question is, I mean, whether gender, I mean, one... It is mainstream, but it's kind of being marginalized again because we kind of, we've done that, we've moved on. Catherine. Mm-hmm. Oui, ma question concerne le contraste évident qu'il y a entre la naissance, la genèse, les luttes féministes qui ont été très minoritaires en Afrique francophone, mais très vivantes. On peut dire que le premier roman féministe, c'est Maria Maba, au tout début de l'indépendance. et bon, à Ouattiam, etc. Mais il se pose en Afrique avec probablement une génération ou deux de décalage, le même problème que dans l'université française. Pourquoi, en particulier pour la discipline histoire, qui a été très tardive en France, sur l'histoire non occidentale et l'histoire non française même, le sujet est encore tellement pris du bout des doigts, même s'il commence à être admis dans l'université, alors que, comme vous avez insisté, vous toutes, ça n'est plus du tout quelque chose de marginalisé dans les universités américaines. Il faudrait savoir comment c'est dans les universités britanniques. Ça, je poserai la question. J'en sais rien. Est-ce que c'est plus européen ou est-ce que simplement cette réaction de refus d'aborder la question serait plus, pour simplifier, latine par rapport à nord-européen. Mais c'est vraiment un décalage culturel de fond de l'histoire, en tous les cas en France. Et je pense que c'est aussi un décalage de fond d'une façon différente, culturelle, dans les sociétés africaines. La virilité masculine, la supériorité masculine et les femmes outils méprisables ou secondaires, c'est quelque chose qui est quand même très ancré, qui a été très ancré dans les mentalités. Alors ça ne s'exprime plus en France, encore que. Any other interventions from the audience, please? Yes. And then there's another one back there. Okay. Bonjour, moi je m'appelle Louisa Zanoun, je suis historienne dans une association, mais j'ai fait mes études doctorales en Grande-Bretagne. J'étais au Canada, je suis allée au Québec, aux États-Unis. Là, je reviens. Moi, il y a une question qui m'intéresse. On a parlé de la période post-coloniale, donc des femmes, notamment en France, des immigrés. J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait me donner peut-être des lumières là-dessus, parce que je n'entends pas beaucoup parler. Voilà. There's a question back there. Hello. My name is Daniel Bendix. I'm at Manchester University. I was going to pick up from the person from Sheffield University, yes, who said mentioned the metropolitan and the colonial context. Mm. So I was just wondering about this term context colonial. Mm. And also looking at the program, there is very little on diaspora. Mm-hmm. So I'm from Germany. Mm. It's pretty hard to convince people that if we speak about colonialism, we're not speaking about the other territories. We're speaking about Germany. We're speaking about Afro-Germans. We're speaking about racism in Germany. Mm. So I think I'm not posing this question to anyone, but perhaps to the conference in general, is what do we mean by context colonial? Mm-hmm. And we don't have a term like metropolitan, I think, in German. I'm not sure about it. But I find this distinction problematic. And yeah. Thank you. And there's another hand back there. Mm-hmm. Oui. Okay. Alors, pour ma part, je ne suis pas historienne, mais je suis universitaire. Et je suis surtout d'Algérie. Et je voudrais insister sur le fait que dans les contextes coloniaux, il y a plusieurs types de population, donc de population de femmes qui vivent en même temps, qui sont en relation très étroite, même si c'est un certain type de relation, donc en relation très étroite entre elles, et en particulier donc sur le plan culturel, dans la relation à l'homme. Et on trouve ainsi, par exemple, en Algérie, un même type de comportement entre les femmes chrétiennes, juives et musulmanes par rapport à l'homme. Alors je voudrais que l'on tienne compte de ce problème, et pour ma part, j'en témoigne très rapidement, je viens de terminer un roman, puisque ce n'est pas de l'histoire, mais c'est un roman basé sur des faits historiques, qui s'appelle Lex Aleti, donc qui raconte l'histoire d'une femme algérienne de maintenant, qui conquiert son indépendance, c'est une femme d'Alger sans appartement, qui conquiert son indépendance par rapport à l'homme, en croisant son histoire avec l'histoire d'une femme d'autrefois, qui elle s'est libérée, c'était une Européenne. Donc il y a un croisement qui s'est fait, crossings, Franco-Maghrebi crossings, entre les deux cultures qui ont été très proches, mais avec un décalage dans le temps. Donc, soyez sensibles dans vos communications, et en particulier sur le peuplement en Algérie, sur ces rapprochements culturels entre les trois grands types de peuplement et de femmes en Algérie. en contexte colonial. Mm-hmm. Et puis après, bien sûr. Merci. Merci. Nous allons encore prendre une question. Et ensuite, si les intervenants veulent répondre, mais bien sûr, nous sommes obligés de faire relativement bref pour des impératifs de temps. Françoise Blum, Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Je voulais vous demander quelque chose, parce que moi, quand j'entends espaces coloniaux et quand j'entends femmes, il y a une question, ou plutôt une thématique qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est celle du rapport entre citoyen et sujet. Parce que je voudrais rappeler que, enfin, les femmes ne sont devenues citoyennes pour la France, en tout cas, qu'en 1944, et que les sujets sont aussi devenus citoyens, peut-être de deuxième zone, dans ces zones-là. Donc il me semble qu'il y a déjà un rapport fondamental, il y a quelque chose à explorer de façon centrale, c'est cette notion de sujet, de citoyen. Est-ce que les femmes de l'espace colonial ne sont pas quelque part doublement sujettes ? Merci. Donc je passe la parole aux participants et participantes de la table ronde pour d'éventuelles réponses, commentaires limités dans le temps. We are at the end of our time, but I mean, if somebody would like to briefly respond. Très brièvement, hein, sur deux points. En Afrique francophone, gender n'est pas encore mainstreamed. Mm-hmm. Du tout. Donc on a du champ devant nous, on a de l'espace devant nous, et en même temps, j'aimerais bien que les études sur le genre ne soient pas seulement le domaine des sociologues ou des historiens, mais soit également le domaine des médecins, des juristes, des philosophes, qui ne sont pas genrés du tout. Donc je pense qu'il y a, genre mainstream, on a encore énormément de chemin à faire. Alors Catherine a parlé d'Awatiam, mais je voulais vraiment parler d'elle, parce qu'Awatiam, en deux mots, Awatiam est une Sénégalaise qui publie en 1978, je crois, La parole aux négresses, préfacée par Benoît Groult. Alors, ce livre qui aurait dû être l'apothéose de sa carrière, finalement, a été son coup d'assommoir qui a littéralement éteint sa carrière, parce qu'elle y parlait de mutation génitale féminine, d'abandon de la polygamie, de plein de questions culturelles qui nous posent énormément de problèmes dans les cultures africaines. Les Africaines ont d'abord détesté qu'elle en parle en 1978. À l'époque, je suis sénégalaise et j'ai vécu cette période. Il n'y a pas un article que j'écrive sans citer Awatiam pour rétablir ce rôle historique qu'elle a eu. Donc vraiment, ce dont je parle, hein, je le sais parce que je l'ai vécu. Elle a énormément bavé de ça. Et aujourd'hui, elle fait une autre carrière, hein, mais elle fait une carrière à l'Université de Dakar, mais une carrière, il est vrai que la différence est un mouroir, donc... Cette carrière qu'elle aurait dû avoir de féministe engagée à l'époque, elle n'a pas pu l'avoir parce qu'elle est arrivée peut-être entre guillemets trop tôt. Quand en 1987, elle a voulu créer un département d'anthropologie des sexes, le sujet n'a même pas été débattu à l'Assemblée d'université parce qu'elle a déposé au recteur. Et quand j'ai rencontré le recteur, il m'a dit, mais tu te rends compte, elle veut faire un département d'anthropologie des sexes. Et j'ai dû lui expliquer, tu sais, c'est pas une anthropologie de la copulation. Il m'a dit, ah, c'est féministe. Ça a été fermé. Il a fallu 10 ans, pratiquement 15 ans, pour qu'on fasse un programme de recherche sur les femmes et le développement. Avec toujours des séances inaugurales disant, c'est pas féministe, hein, on parle pas de féminisme, on parle seulement des femmes. Alors vraiment, les femmes dans la culture africaine, c'est vrai, nous avons une contribution politique, historique, culturelle très, très importante. Bon. Et juste un dernier point, quand même, sur les immigrants en France, je n'ai pas fait d'études sur les immigrants en France. Hein. Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai considéré que j'étais de l'assistance technique, parce que c'est trop difficile d'être immigré. Donc, j'étais assistance technique à l'université chez Catherine, hein, qui m'a invité à venir faire de l'assistance technique là-bas. Mais en même temps, il y a quand même disons qu'il y a un langage autour des immigrants. Il y a deux ou trois concepts. Je sais que j'ai été, je crois que c'était en septembre dernier, à une grande messe autour de Christine Delphi. Alors, qui fait un grand machin et qui parle des femmes racisées. Bon, je sais que femmes racisées, c'est un progrès féministe par rapport à indigènes. Et moi, je disais, honnêtement, j'en ai marre des étiquettes. J'ai été négresse, j'ai été noire, j'ai été indigène, j'ai été... Moi, je voudrais être une Sénégalaise en France, une Africaine en France, ou simplement une Française en France, avec ma... Et sans qu'on me demande de renégocier ou de nier ou de jouer sur mon identité. Après tout, hein, si Sarkozy peut être président de la République, comme dit mon mari, moi j'étais français avant lui. It's a nice way to end this round table. Thank you to all of you who have spoken. Thank you to the audience. Merci beaucoup à Stéphane et à toutes les participantes de la table ronde. Alors, juste deux ou trois points très rapides, à la fois logistiques et pour reprendre une ou deux petites, enfin, grandes questions qui ont été posées. Sur la question de contexte colonial, nous sommes bien sûr bien placés pour connaître la diversité des situations coloniales. Nous avions choisi le terme de contexte colonial juste pour dire que nous n'étions pas forcément exactement dans la droite ligne de l'article de Ballandier, la situation coloniale, qui est quand même un article tout à fait fondamental, et que nous ne rejetons pas pour autant, mais voilà. Et puis, c'est vrai que dans ce colloque, les territoires coloniaux sont plus présents que les métropoles. Mais il y a aussi de la circulation, un atelier sur cette question, et des participants dont c'est la spécialité. Deuxième point, sur les femmes immigrées. On le sait, il y a aussi, bien qu'il n'y ait pas que, un continuum entre les situations coloniales et les situations post-coloniales. Mais il nous a semblé, comme historienne de la colonisation, du colonial, que parfois le terme post-colonial obscurcissait les choses plus qu'il ne l'éclairait. Et c'est pourquoi nous avions décidé vraiment, en en ayant beaucoup discuté, de nous concentrer sur la situation coloniale en ne niant pas, une fois de plus, les prolongements chronologiques, politiques, etc., qui existent. Juste à ce sujet, je rappelle que la Cité nationale de l'histoire de l'immigration est un de nos partenaires et que nous y avons donné une conférence la semaine dernière pour introduire ce colloque. C'est dire que quand même nous sommes tout à fait au courant de ça. Et enfin, sur la question de la traduction de concepts pas faciles à traduire dans différentes langues, agency, empowerment, etc., je pense que Fatousseau a souligné quelque chose de très important. Mais comme historienne du fait missionnaire au XIXe siècle, je voudrais dire qu'il y a sans doute de l'espoir et que sûrement nous arriverons à traduire en Swahili, en Wolof, en Bambara, en Twi et dans bien d'autres langues hors du continent africain ces concepts difficiles, puisque les missionnaires du XIXe siècle ont réussi à traduire des concepts au moins aussi obscurs que Sainte Trinité, résurrection, transsubstantiation, etc. Donc je pense que nous allons y arriver.